batteur, à ta flûte, sans la guitare, puis enfoncer le gauche dans la pute-tête. Ils ont pas de quoi faire les restas, ils ont pris des photos, ils se prennent pour les P-Square. Allez, Nachaf, t'es mal escort, titulaire indiscutable, t'es au vestiaire. J'ai dû serrer la ceinture, même en jogging. Aujourd'hui j'ai des thunes, mais je les compte encore. Les rappeurs arrêtez de mentir au peuple, je continue tout droit, j'entends 6ème rapport. Je suis dans la street, si tu veux vérifier. Oui, j'ai déterminé, je vais réussir. Tous les chemins mènent à Rome. J'ai vu trois rivières, je suis à Port d'Italie. À ce qui paraît, j'ai la côte. À ce qui paraît, j'ai la côte. Petit expect sur le côté. Je prenne la villa sur la côte. Rafale à bout portant. Pochon de sang, mais j'ai emporté. Les trucs, c'est important. Les grands déchets t'ont rapporté. J'ai rien à perdre. Le gang me donne rien à personne. Hey. J'ai rien à perdre. Désolé, gang. Hey. Désolé, gang. Hey. Est-ce que je vais tirer les chiens? Je mets pas de gants. Hey. Bisous du gang, yeah. Bisous du gang, yeah. J'peux cliquer ta mère quand je viens, mais je prendrai mon temps, yeah. Bisous du gang, yeah. Bisous du gang, yeah. Elle sait que je lui tire les cheveux, je mets pas de gants, yeah. Bisous du gang, yeah. Bisous du gang, yeah. J'peux cliquer ta mère quand je viens, mais je prendrai mon temps, yeah. Ceux qui me reconnaissent savent de quoi je parle. J'suis toujours dans le bang, pas la même place. Mon ego ça bouge pas, on se mélange pas. Ceux qui me reconnaissent savent de quoi je parle. Les problèmes veulent nourrir mon insomnie. Je prends le cabriolet, je m'en vais zoner. Figgy tout bas call eyes on me. Déterre personne, j'aime raisonner. 22-22, j'ai mis tempête. 23h30, j'ai le tombé. Il voulait faire la paix. J'ai préféré laisser tomber. La vie de ma mère. Bébé, je t'amènerai jamais à l'Amérique. Lunettes 24 carabées sur la mer. L'hôtel a plus d'étoiles que le drapeau de l'Amérique. Le tableau de bord, mais jamais celui qui conduit la voiture, jamais. La brinque c'est fatigant, les temps sont durs donc on investit, ça met. En I comme à Baltimore, en I sur la venue de la grande armée. Le train de vie a changé, planning toujours chargé, yeah. Ceux qui me reconnaissent savent de quoi je parle. J'suis toujours dans le bang, à la même place. Mon ego ça bouge pas, on se mélange pas, yeah.